France Inter, franceinter.com. L'histoire fait froid dans le dos. Des plans d'un engin nucléaire très sophistiqué se promènent dans le monde et sont peut-être déjà tombés dans des mains criminelles. Il ne s'agit pas ici d'alimenter des craintes irraisonnées ou de nourrir des fantasmes à la George Bush qui voyait des terroristes partout, non. L'information est sérieuse et émane de sources qui ne le sont pas moins. C'est en tout cas la conclusion qu'on peut tirer de ce nouvel entretien avec M. X que je vous propose aujourd'hui. À l'arrivée, il y a la découverte d'une curieuse affaire de contrebande et d'espionnage qui met en scène une famille suisse d'ingénieurs apparemment honorables, les Tinner, un père et ses deux fils. Aujourd'hui libres, ils ont passé plusieurs années en détention provisoire dans leur pays. Mais au départ, il y a ce qu'on a appelé le supermarché noir de la bombe, l'entreprise tentaculaire montée par le célèbre docteur Khan, le scientifique pakistanais qui a contribué à donner l'arme nucléaire à son pays, mais qui a surtout vendu ses petits et grands secrets à de nombreux pays, ceux que l'Amérique de George Bush a classés parmi les États voyous. Quelle est la réalité? Quels sont les vrais dangers? Monsieur X décortique la sulfureuse affaire Tinner, un dossier qui inquiète au plus haut point les dirigeants de la paisible Confédération helvétique, mais pas simplement eux. La tête dans les mains, je pleure la mort des Ukrainiens, de mes frères russes copains, biélorusses assassinés. Mensonge, hypocrisie remplacèrent les explications. Sacrifice inutile d'une entière population. Dans les jours suivants, le nuage, la douleur grandissait. Dans la zone interdite et l'indifférence, les gens crevaient. Grand chaos chimique, des enterrements précipités. La puissance soviétique faiblit et pèse les irradiés. Et vos profits, votre énergie, vos réacteurs nucléaires aussi. La contamination et la radioactivité, le césium 137. À nos frontières s'est arrêté. Se communiquer, ce mensonge, la personne ne l'a gobé. En 20 ans, ni moi, ni personne, personne ne l'a gobé. Ensemble, nous avons déjà évoqué le mystérieux docteur Khan. Mais le père de la bombe pakistanaise. Hein. Enfin, une réputation un peu usurpée. Abdul Kader Khan est certes un scientifique, mais il a surtout permis au Pakistan d'acquérir les matériels nécessaires à fabriquer cette bombe. La première bombe islamique, comme il l'a appelée lui-même. Vous voulez dire que d'autres savants pakistanais ont participé à l'élaboration de la bombe? C'est certain. Khan est avant tout un ingénieur, pas un théoricien. Alors, désolé si parfois je vous donne l'impression de me répéter, mais l'histoire des Tinner et celle de Khan sont intimement mêlées. Alors, Commençons par parler des Tineurs. Ah bah volontiers. Le père, Friedrich, est un ingénieur en mécanique installé dans le canton de Saint-Gall, dans l'est de la Suisse. Doué d'un incontestable talent inventif, il a créé dans les années 70 une petite entreprise très florissante, la Fitech AG. Ouais. Et son domaine d'activité, hein? Oh bah, il s'est essentiellement intéressé à la technologie du vide. Et il a déposé de nombreux brevets. Pardonnez-moi mon ignorance, mais ça consiste en quoi, là ? Friedrich Tiner a inventé des pompes et des systèmes de valves pour créer du vide. Une technologie prometteuse, car elle intéresse beaucoup l'industrie nucléaire. En particulier dans le processus d'enrichissement de l'uranium au moyen de centrifugeuses. J'ajoute tout de suite que cette technologie a un double usage dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine militaire. Oui, c'est-à-dire la production d'uranium enrichi nécessaire à la confection d'une bombe atomique. Évidemment. Hein, ouais. Tiner a deux fils, Urs et Marco, qui sont également ingénieurs et ont rejoint les activités paternelles dans les années 90. Ils ont même fini par créer leurs propres entreprises. Ah, une vraie famille d'inventeurs. Mais aussi des gens qui ont le sens des affaires, vous verrez par la suite. Mais revenons au père. Friedrich, dans les années 70, rencontre le docteur Kahn, qui va même devenir l'ami de la famille. Abdul Kahn, enfin, si mes souvenirs sont bons, vit alors en Europe. Hein. Aux Pays-Bas, oui. Alors, un petit rappel. Kahn est né en Inde, à Bhopal, très exactement, où son père est instituteur. Et il a tout juste 11 ans en 1947, lors de l'indépendance et du drame qui s'ensuit. C'est-à-dire la fuite des musulmans vers le nord. Et celle des hindous vers le sud, oui. Le plus grand déplacement de population jamais vu. On estime que 30 millions de personnes ont alors abandonné leur maison. Et 1 million d'autres ont péri au cours de la guerre religieuse qui a accompagné ces migrations et lancé musulmans et hindous les uns contre les autres. Indubitablement, l'enfant a été choqué par ces horreurs. D'où la haine farouche qu'il voue à l'Inde et aux Indiens. Comme de nombreux Pakistanais. Oui, oui, la partition de 1947 a laissé des traces ineffaçables. On le voit encore aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après. Ouais. Ben alors, allons vite là. Où la famille de Kahn se fixa-t-elle ? À Karachi, la capitale économique du pays. Le jeune Abdul est un élève très doué, particulièrement en sciences. Et ça lui vaut de bénéficier d'une bourse qui lui permet d'aller poursuivre ses études scientifiques en Europe. Où, plus précisément ? D'abord à Berlin-Ouest, puis en Belgique et aux Pays-Bas. Il devient alors ingénieur métallurgiste et s'installe en Hollande, où il épouse une africanaire d'origine néerlandaise qui va bientôt lui donner 2 filles. Et où travaille-t-il ? Ça, c'est un point capital. Le docteur Kahn, comme il aime se faire appeler, est engagé dans un laboratoire d'Amsterdam, spécialisé dans l'étude et la fabrication de centrifugeuses. Mais pas n'importe lesquelles. Les machines sur lesquelles travaille Kahn sont destinées à enrichir l'uranium, c'est-à-dire à obtenir, à partir du simple minerai d'uranium, l'isotope 235, une matière fissile. Oui, propre à un usage civil ou militaire. C'est exact. Ces centrifugeuses sont des engins d'une extrême sophistication. En gros, ce sont des sortes de lessiveuses équipées d'un tambour qui tourne dans le vide à la vitesse du son. J'ajoute que cette opération doit être répétée des centaines, des milliers de fois pour recueillir une quantité suffisante d'uranium enrichi. Suffisante pour fabriquer une bombe. C'est ça. Les savants appellent ça la masse critique. Et je crois que ça tourne autour d'une 20aine de kilos. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est très intéressant avec ce procédé, c'est qu'il est relativement discret. Je crois qu'une centrifugeuse ne mesure pas plus de 2 mètres de haut. Donc c'est difficilement détectable. Ouais. À la différence de l'autre filière qui consiste à retraiter le combustible irradié pour en extraire du plutonium. Une usine de retraitement, ça n'échappe pas à la détection par satellite. Alors ça signifie qu'un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire en enfreignant le traité international de non-prolifération choisira plutôt la filière de l'uranium enrichi. Bah, naturellement. Mais revenons au docteur Kahn. Il est donc devenu un spécialiste des centrifugeuses. Oui, d'où les relations qu'il va entretenir avec cet autre spécialiste, Friedrich Tiner. Des relations qui vont très vite devenir amicales, je vous le disais. Mais poursuivons. Aux Pays-Bas, Abdul Kahn mène une vie très rangée auprès de sa femme et de ses 2 filles. Il est parfaitement intégré dans son pays d'adoption ? Ah, tout à fait. Et il n'envisage pas de retourner dans sa patrie. Mais en 1974, il apprend, comme tout le monde, que l'Inde vient de procéder à un essai nucléaire.

Le développement de cette technique, qui utilise de l'uranium faiblement enrichi, conçu principalement pour l'industrie civile, est une aubaine pour tous les pays en passe de développer un armement nucléaire. Il suffit en effet de laisser tourner un peu plus la centrifugeuse pour obtenir de l'uranium hautement enrichi, principal composant de la bombe. Mais pourquoi Kahn a-t-il besoin de ce réseau international auquel vont être associés les tineurs ? Il lui faut se procurer tous les matériels nécessaires à la fabrication des centrifugeuses. Or, ces matériels sont très surveillés. Mais parce qu'on sait qu'ils peuvent servir à l'enrichissement de l'uranium. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique veille. Donc, pour tromper les experts, Kahn monte toute une série de sociétés écrans. Pour cela, il utilise des collègues qu'il a connus en Europe. Dont les tineurs Perefis. Mais il recrute aussi des scientifiques allemands ou néerlandais qui sont appâtés par le gain, car le Pakistanais paie très bien. Mmh. Autant de personnes qui savent pertinemment que le docteur Kahn veut construire une bombe. Oui, mais peut-être ignorent-ils ou ne veulent-ils pas savoir que leur ancien et si généreux collègue est devenu aussi un personnage résolument anti-occidental, un fou de Dieu, obnubilé par le nationalisme. Un homme qui n'en oublie pas pour autant ses propres intérêts et qui va, au fil des ans, amasser une véritable fortune. Ah oui, parce que c'est aussi un homme d'affaires. Bon, alors voyons dans le détail comment va se constituer ce réseau. La plaque tournante choisie par Abdul Kahn, c'est Dubaï. C'est dans cet émirat que les commerciaux du réseau vont graviter à partir de la décennie 80. Mais quand vous parlez de réseau, là, une structure, une organisation... Non, non, tout cela reste très informel. Et c'est sans doute plus prudent. Au sommet, on trouve trois hommes. Deux Britanniques, Peter Griffin et Abdus Salam. Avec un homme d'affaires indien, un certain Farouk. Ils ont créé une société chargée de livrer des matériels sensibles au Pakistan, mais aussi à l'Afrique du Sud. À l'Afrique du Sud qui sera aussi bien près, tout près même, de se doter de l'arme nucléaire. Et qui renoncera après la fin du régime d'apartheid. Autour de ces trois hommes viennent s'agglutiner un nommé Tahir, un jeune Sri Lankais, neveu de Farouk, qui prendra de plus en plus d'importance. Et un Allemand, Gotthard Lersch. Tous ces gens-là créent une véritable nébuleuse de sociétés qui s'enchevêtrent les unes et les autres. C'est pas innocent. Bien entendu, car cette multinationale permet de procéder beaucoup plus discrètement aux importations de matériel suspect. Et des tineurs, alors. Le père est dans le coup depuis longtemps, mais son nom apparaît vraiment en 1987. Sa société signe alors un important contrat avec l'Iran pour la livraison de 2000 centrifugeuses. Mais ces machines sont en réalité fournies par Kahn. Détail intéressant, les autorités pakistanaises ont donné leur accord. Et pourtant, la destination militaire de ces engins semble évidente. Hein. D'autant que dès cette époque, il est à peu près certain que le docteur Kahn a livré à l'Iran les plans d'une arme nucléaire encore rudimentaire, un modèle importé de Chine. En tout cas, Tiner empoche à l'occasion quelques centaines de milliers de dollars. Et ce n'est qu'un début. En 1994, Friedrich Tiner signera un autre contrat avec l'Iran, des ayatollahs. Cette fois, il s'agira de livrer des centrifugeuses de deuxième génération. Plus modernes. Oui, des machines conçues avec la collaboration de Kahn. En même temps, la multinationale Kahn déploie une intense activité. Ainsi sont nouées des relations privilégiées avec la Corée du Nord. Un véritable accord de partenariat. Les Coréens font profiter les Pakistanais de leur savoir en matière de missiles. Et en retour, Kahn leur communique des informations très précieuses pour l'élaboration de leurs propres bombes nucléaires. D'autres accords commerciaux, très secrets, sont conclus avec l'Afrique du Sud, l'Inde, la Libye et même l'Irak. Tandis que Tahir, l'adjoint sri-lankais de Kahn, fait construire une usine en Malaisie afin de fabriquer à partir de 2002 des pièces pour centrifugeuses. Et notre Tiner, là, est-il partie prenante de toutes ces affaires ? Bien sûr. L'ingénieur suisse, pour sa part, exporte ces fameuses valves vers l'Irak et le Pakistan. Et ces livraisons échappent à tout contrôle ? Apparemment, oui. Et pourtant, la Suisse targue de posséder l'une des lois les plus strictes en matière d'exportation de matériel de guerre. Donc quelqu'un a fermé les yeux. C'est très probable. Il faudra de longues années avant que les autorités suisses n'ouvrent enfin les yeux, grâce à des informateurs bien particuliers. Mais encore une fois, N'allons pas trop vite. En 1998, vous le savez, le Pakistan fait exploser sa première bombe atomique. Ouais, jour de gloire pour Abdul Khan. Qui devient un héros national et il acquiert désormais un total sentiment d'impunité. Pour se livrer à ces trafics. Mais ici, il faut bien dire que ses rapports, tant avec les autorités civiles que militaires du Pakistan, ont toujours été très ambigus. Que voulez-vous dire là ? Je suis à peu près persuadé que Khan a toujours été soutenu par le pouvoir pakistanais. Même quand il faisait des affaires pour son propre compte ? Oui, et même lorsqu'il sera accusé d'être l'organisateur de ce supermarché criminel de l'atome. Certes, le gouvernement du général Musharraf, devant le scandale, sera obligé de le désavouer. Oui, mais il y aura même, si je me souviens bien, une confession publique d'Abdul Khan à la télévision début 2004. C'est vrai, ouais. C'est vrai, mais Khan n'ira jamais en prison et sera simplement placé en résidence surveillée dans sa luxueuse demeure. Ouais. Et aujourd'hui, il est libre comme l'air. Au fond, il en va des relations du pouvoir pakistanais avec Khan comme des rapports entre Islamabad et les talibans. Officiellement, on est contre. Mais dans la réalité, on les soutient. Il semble quand même que ce soit un peu en train de changer, là. Bon, enfin, on verra bien. Et peut-être en parlerons-nous un jour prochain. Oui, volontiers. Enfin, je reviens à mon sujet principal, les Tineurs, et leur implication dans le réseau du Dr Khan. Au moment où les fils Tineurs entrent à leur tour dans la danse, Urs s'établissant même à Dubaï. Le centre névralgique du réseau. Oui. Eh bien, à ce moment, Khan et son complice, Friedrich Tineur, ont commencé d'importants pourparlers avec la Libye. Alors là, de quoi s'agit-il ? Oh, d'un marché énorme. Kadhafi, qui rêve depuis longtemps de posséder une arme nucléaire, est prêt à débourser plus de 140 millions de dollars pour la construction chez lui d'un complexe industriel d'enrichissement d'uranium. Et alors, naturellement, il s'est adressé à Khan, le meilleur interlocuteur au monde dès qu'il s'agit de marché noir nucléaire. Le réseau du Pakistanais s'engage donc à fournir 10 000 centrifugeuses de deuxième génération, mais aussi 20 tonnes d'hexafluorure d'uranium. Ce qui devrait permettre à terme à Kadhafi de construire 3 bombes. Mais comme le leader libyen est vraiment gourmand à l'automne 2000, il est prévu une nouvelle commande de 5000 autres machines. C'est énorme tout ça, mais est-ce que le réseau Khan peut suivre là ? Il s'y engage. Toutefois, ça exige de faire preuve de véritables prouesses. Sans compter que pour ne pas susciter la curiosité, il faut diversifier la fabrication de ces machines et aussi acquérir les métaux nécessaires, aluminium et acier très spéciaux. C'est par exemple Urs Tineur qui, installé à Kuala Lumpur, va superviser une partie de la fabrication dans cette usine de Malaisie dont je vous ai parlé. La Malaisie, un pays majoritairement musulman, qui est moins surveillé par les services occidentaux. Quant à son frère Marco, il s'occupe de divers autres approvisionnements indispensables à la production des centrifugeuses, dont certaines sont aussi montées dans une usine ultra-secrète implantée en Afrique du Sud. À l'insu des autorités ? C'est ce que je crois, oui. Auparavant, le Dr Khan, en personne, est allé en Libye. Et il n'est pas arrivé à Tripoli les mains vides. Dans ses bagages, il y avait 2 gros sacs contenant les plans de la fabrication d'une bombe atomique. Mais les Libyens devaient attendre la livraison de ces milliers de centrifugeuses avant de commencer quoi que ce soit. Naturellement. Et effectivement, des sociétés appartenant au réseau procèdent aux premières livraisons, en décembre 2002. Mais ce que le Dr Khan ne peut pas encore savoir, c'est que malgré toutes les précautions qu'il prend, il est déjà étroitement surveillé par les services de renseignement américains et britanniques. Et bientôt, il va être trahi par l'un des membres éminents du réseau, Urs Tineur lui-même. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En fait, avant même ce que M. X a appelé la trahison de l'un des fils Tineurs, c'est sans doute les relations entre le réseau Khan et l'Iran qui ont alerté les services secrets occidentaux. Des relations que décrit Bruno Tertrais, auteur de « Le marché noir de la bombe » paru chez Buchet-Chastel. L'accord est signé en octobre 1994. 6 ou 7 millions de dollars sont versés par les Iraniens à titre d'acompte. Khan a apporté à Dubaï les plans détaillés de la centrifugeuse P2. Mais il n'a pas pu emporter des composants de P2 car les laboratoires de Khan ne disposent encore que de peu de centrifugeuses de ce type et un prélèvement sur le stock national aurait été visible. Les Iraniens devront se contenter, outre les plans de la P2, d'une nouvelle série de composants de P1, mais beaucoup plus importants que la première puisqu'ils doivent permettre de monter 500 machines. Les pièces détachées sont expédiées à Téhéran en 2 livraisons, fin 1994 et début 1995. L'Iran peut cette fois passer aux essais à grande échelle. Ceux-ci seront effectués dans une fabrique d'horloges murales de la banlieue de Téhéran. Les pièces apportées par Khan seront complétées par d'autres fabriquées par des fournisseurs traditionnels du Pakistan, dont la famille Tineur en Suisse, est livrée via Dubaï. À partir de ce moment, le programme nucléaire de l'Iran va connaître des progrès spectaculaires. Ce qui, a posteriori, paraît surprenant, c'est que la CIA en particulier ne se soit pas intéressée plus tôt aux activités du Dr Khan. Vous avez raison. Et pour ma part, je suis persuadé que les Américains étaient informés depuis longtemps. Mais ils s'étaient gardés d'agir. Alors. C'est ça. Il faut savoir que les États-Unis ont souvent fait preuve d'une étrange mansuétude au sujet des activités louches du Pakistan. Leur meilleur allié dans la région. Il ne faut pas oublier les liens tissés entre les services secrets respectifs au moment de la guerre d'Afghanistan. Contre l'armée rouge. Mais à Washington, on a peu à peu pris conscience du danger. Donner la bombe à l'Iran, la Corée du Nord ou à la Libye, c'est quand même préoccupant, non? Alors, au courant de l'année 2000, un agent de la CIA, nom de code Mad Dog... Mad Dog, chef fou. Oui. Donc ce type, chef de la station de Vienne, se met en devoir de retourner l'un des fils Tineur, Urs. Eh, mais avec quels arguments, hein? Pas des arguments sonnants et trébuchants. Mais ça marche. Oui, Urs, sans doute avec l'accord de son frère et de son père, accepte. Mais il faut dire qu'il n'a guère le choix, car les activités de la famille peuvent aussi lui attirer des ennuis avec l'AIEA, l'agence internationale chargée de contrôler l'industrie nucléaire, mais également avec la police suisse. Alors, il y a donc aussi là-dessous une forme de chantage. Ouais, mais enfin, peu importe. Urs Tineur devient désormais une taupe au sein du réseau Khan. Et il confirme les suspicions de la CIA. Alors, à partir de là, que se passe-t-il? Les Américains entendent agir prudemment. Tineur les tient informés. Mais de leur côté, ils ne restent pas inactifs et ils cherchent des preuves. En 2002, un satellite photographie par exemple un avion gros porteur de l'aviation pakistanaise sur un aérodrome nord-coréen. La même année toujours, des opposants iraniens révèlent au cours d'une conférence de presse que les Iraniens disposent de 2 installations nucléaires clandestines. Et quand des inspecteurs de l'AIEA parviendront enfin à visiter ces sites, ils s'apercevront que les centrifugeuses qui s'y trouvent ressemblent étrangement au matériel utilisé par les Pakistanais. Ouais. Conséquence alors? Abdul Khan a compris la menace. Il demande à ses associés de détruire toute trace des contacts du réseau avec l'Iran. Khan qui déjà a été mis plus ou moins sur la touche au Pakistan. Alors ça veut dire qu'à Islamabad aussi, on a pris conscience du danger? Oui, et en principe, Khan n'exerce plus que des activités de conseil auprès du gouvernement. Ouais. Et en réalité? Le réseau continue à fonctionner. Mais les choses s'accélèrent. La CIA adopte maintenant une nouvelle stratégie. Grâce au Tineur, elle va entreprendre de saboter les matériels destinés à l'Iran et à la Libye. Et dans cette optique, un contrat bidon est même signé entre les industriels suisses et des représentants de l'agence. ce qui permet aux Tiner de récupérer au passage quelques millions de dollars. Bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Ils ont donc consenti à opérer ces manœuvres de sabotage. Oui, mais ça ne suffit pas. La CIA veut aller plus loin et mettre fin aux activités du réseau CAN. Toujours grâce aux Tiner ? Ah, pas seulement. Les Américains vont bénéficier d'un appui inattendu. Kadhafi lui-même leur donne un coup de main. Mais ça vaut une explication. Le leader libyen a décidé de rompre l'isolement qui lui a été imposé depuis l'attentat de Lockerbie en 1988. Dans un premier temps, il a accepté de payer d'énormes indemnités aux familles des victimes de cet attentat. Mais il va aller plus loin. Au printemps 2003, il fait savoir aux services occidentaux qu'il est prêt à renoncer à toute fabrication d'armes de destruction massive. Et c'est dans ce contexte qu'il faut examiner l'une des opérations les plus spectaculaires conduites contre le réseau CAN. Mmh. Alors, Kadhafi aussi aurait-il trahi CAN ? C'est certain. Mais pour la CIA, la source première reste Urs Tiner. Au mois d'août 2003, celui-ci prévient son officier traitant. Un cargo allemand, le BBC China, va embarquer dans un port de Malaisie une importante livraison de centrifugeuses destinée à la Libye via Dubaï. La route de ce bâtiment est bien sûr surveillée par les satellites états-uniens. Et à l'occasion d'une escale dans un port italien où il doit charger d'autres matériels, des inspecteurs montent à bord et découvrent tout un lot de caisses. À l'intérieur, il y a de quoi monter 2000 centrifugeuses, des engins qui portent la marque de fabrication du Dr. Khan. Mais dans cette affaire-là, Kadhafi n'aurait-il pas pu jouer un double jeu ? Non, parce qu'il a prévenu la CIA. Il ne voulait pas de ces centrifugeuses. Alors, il a donc contribué à l'élaboration du piège qui se referme sur le réseau CAN. Exactement. Ouais. Et immédiatement, le démantèlement du réseau et les arrestations commencent un peu partout dans le monde. Et CAN lui-même, alors ? Bon, les Américains exigent de l'interroger, mais les Pakistanais refusent. Ils veulent s'occuper eux-mêmes de l'affaire. Et ça se comprend très bien. Abdul Khan est en possession de nombreux secrets, à commencer par l'implication des militaires et des services secrets pakistanais dans les méandres de son réseau. Et finalement, on parvient à un compromis. Le président Musharraf accepte de mettre fin aux activités du Dr. Khan à condition que les Américains ferment les yeux sur les complicités des autorités pakistanaises. Ah oui, ils se couvrent, quoi. Et à la Maison-Blanche, on consent ? D'autant plus facilement que les Américains n'ont pas eux-mêmes les mains très propres. Pourquoi ont-ils si longtemps fermé les yeux sur ce marché noir de la bombe ? Ah, alors, mieux vaut donc refermer le couvercle. En effet. Et puis il y a la nouvelle guerre d'Afghanistan depuis le 11 septembre. Contre les talibans. Et une nouvelle fois, les Pakistanais sont des partenaires incontournables, même s'ils ne jouent pas toujours franc jeu. Et la suite alors, que deviennent par exemple les Tiner ? Ça c'est l'aspect le plus curieux de ce dossier, le plus inquiétant aussi. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que les Tiner non plus n'ont pas été francs du collier. Et c'est sans doute l'une des clés de cette affaire. Expliquez-moi. Bon, un peu de patience. Voyons d'abord les faits. C'est en 2004 que le nom des Tiner est rendu public. Pourquoi ? La police malaise qui a arrêté le complice de Khan, le nommé Tahir, révèle le rôle clé joué par l'ingénieur suisse Urs Tiner dans le trafic à destination de la Libye. Urs Tiner qui a présidé à la construction de centrifugeuses en Malaisie. C'est ça. Mais malgré cette implication publique, Tiner est toujours installé à Dubaï et n'est pas inquiété. Il est en contact encore avec la CIA ? Tout à fait. Et son officier traitant lui conseille de faire profil bas en attendant que les choses se tassent. Mais en octobre 2004, contre l'avis de l'homme de la CIA, Urs Tiner se rend en Allemagne. Il est immédiatement arrêté et bientôt extradé en Suisse. Et un peu plus tard, son frère Marco et le père Friedrich sont à leur tour appréhendés et emprisonnés. Mais de quoi sont-ils accusés, là ? Violation de la loi fédérale sur l'exportation de matériel de guerre. Une accusation très grave en Suisse. Tout à fait. Ces arrestations ont bien sûr donné lieu à des perquisitions au domicile des Tiner. Et documents et ordinateurs ont été saisis. Et après avoir pris connaissance de ces éléments, le parquet suisse voudrait que les Tiner soient aussi poursuivis pour espionnage. Mais, curieusement, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, s'y oppose. En même temps, on observe que les États-Unis ont refusé toutes les demandes d'assistance judiciaire présentées par la justice suisse. Les États-Unis, parce qu'ils ont joué un rôle dans le démantèlement du réseau CAN. Bien sûr. Mais le plus étonnant reste à venir. Grâce à une fuite, on va apprendre que le président de la Confédération suisse a ordonné en novembre 2007 la destruction de tous les documents découverts chez les Tineurs, y compris les disques durs d'ordinateur. Conséquence, les Tineurs ne vont pas tarder à être remis en liberté après une détention provisoire qui a quand même duré plusieurs années. Il n'y a plus de charges contre eux, c'est ça. Hein, mais comment expliquer cette mesure incroyable de destruction? Les autorités suisses ont expliqué que les documents saisis ont été détruits pour des raisons de sécurité, parce qu'ils contenaient des informations si explosives qu'il fallait surtout éviter qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Je croyais pourtant que la Suisse n'était pas dépourvue de coffre-fort. Il est évident que tout ça, ça ne tient pas. Et d'ailleurs, la justice suisse n'a pas manqué de protester avec la plus grande vigueur contre cette décision inouïe de l'exécutif. Parce que là-bas, il y a séparation des pouvoirs. Hein. Mm-hmm. Alors que s'est-il passé? À mon avis, il n'y a qu'une explication. Les Américains ont exigé des Suisses qu'ils détruisent les documents trouvés chez les Tineurs. D'abord parce que l'arrestation d'un individu qui avait travaillé pour eux risquait de nuire à l'image de la CIA. Ah oui, la CIA incapable de protéger ses informateurs. Et comment recruter après un tel impair, oui. Ensuite, il est probable que dans cette masse de documents se trouvaient des informations embarrassantes pour Washington. Parce que les Américains ont eu connaissance de ces documents-là qui vont être détruits. Oui. Oui. Un conseiller fédéral suisse a même fait le voyage à Washington pour informer les autorités états-uniennes et leur présenter les documents saisis. Oui. Et c'est à la suite de ce voyage que la décision de destruction a été prise. En effet, parce qu'il y avait encore plus grave, un secret encore plus considérable. C'est-à-dire Je vous explique. Le docteur Kahn avait entièrement confiance dans ses vieux amis Tineurs. Et avant d'être contraint à l'inactivité par les autorités de son pays, il avait réussi à transmettre à Urs Tineur une copie électronique de plans ultra-secrets, ceux d'une arme atomique sophistiquée, en tout cas beaucoup moins encombrante que les premiers modèles construits par Kahn selon des plans chinois. Et cette bombe miniaturisée pouvait être logée dans une tête de missile. Ah, je commence à comprendre. C'est pourquoi vous m'avez dit que les Tineurs n'avaient pas joué franc jeu. Oui, ils avaient gardé ce secret pour eux. Mais pourquoi alors? Pour le vendre, bien entendu. Et il n'est pas exclu qu'avant d'être arrêtés, les Tineurs aient pu aboutir. Mais vendre à qui? Au cours de l'enquête sur le réseau Kahn, on a découvert qu'outre la Libye, la Corée du Nord et l'Iran, l'organisation avait trouvé un quatrième client. Qui Mystère. Mais les prétendants ne manquent pas, autour du bassin méditerranéen et ailleurs. On a par exemple découvert que Kahn avait déjà commencé à collaborer au projet nucléaire de la Syrie. L'installation qui a été assez récemment bombardée par l'aviation israélienne. Exactement. Mais il n'y a pas que la Syrie. En tout cas, les documents Tineurs étaient vraiment explosifs. Et on comprend mieux pourquoi ils ont été détruits avec une telle célérité. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Bruno Tertrais, Le marché noir de la bombe, un livre qui fourmille d'informations inédites sur ce dangereux trafic. D'autres informations sur l'espionnage, le dernier ouvrage de Monsieur X aux éditions Nouveau Monde, coédité par France Inter. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même obtenir des renseignements bibliographiques et musicographiques. Merci à Valérie Aesterail, Michel Biou, Stéphane Caube, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Et tout de suite après les infos, c'est au de mon amour de Denis Chessou.